cueille la fleur, ami, et laisse le fusil, et laisse le fusil aux chasseurs du dimanche qui se lèvent matin pour tirer la revanche de ses rêves trompeurs et de ses vrais soucis. Je ne veux pas la mort du chasseur, je demande qu'on laisse les fusils dormir et puis rouiller. Tant pis s'il n'y a plus de chasse à Rambouillet, ni de tir aux pigeons sur la côte normande. Cueille la fleur, ami, cueille la fleur, ami, au bord de ton chemin. Et si tu te crois seul, quand même n'en prends qu'une, car des amis viendront peut-être au clair de lune, et d'autres te suivront à l'aube de demain. Des filles, des garçons, guitare sur la branche, cueilleront une fleur que la saison permet, l'églantine sauvage ou le muguet de mai, la violette des bois ou le lilas en branche. Cueille la fleur, ami, cueille la fleur, ami, quand tu viendras chez nous, même si c'est l'hiver. Si tu viens de Norvège ou bien du Canada, tu riras de la neige et tu trouveras bien une branche de houx. Le houx n'a pas de fleurs, pas encore, mais la terre, elle a fait des millions et des millions de tours pour que des enfants fleurs enfin viennent au jour pour célébrer l'amour et dénoncer la guerre. Cueille la fleur, ami, cueille la fleur, ami.